Salut Zachros, c'est le Big Ben. Antithèse. Juste un gamer. Testeur Alpha. Tanuka. Joe. Pour le podcast des Zachros, nous sommes l'édition du 18 mars 2014 et pour une fois, ça marche. Yeah! Je sais pas comment on a fait ça, là, sincèrement, là, mais... On commence à être bon. Ah ouais, on commence à mettre du rouleau en journaux sur Joe, ça marchait. Le quoi? Hein? On a bien frappé Joe. Ouais, je prends bien les coups. Ouais, j'ai frappé Joe avec un journal avant qu'il s'en vienne, puis comme ça, ça sonne bien, là. Ah! Il a compris sa leçon. Le journal de Big Ben est une présentation des journaux 24 heures. Le journal 24 heures. Parce que pour vous rappeler qu'il y a 24 heures dans une journée. Sur ce... Okay. Sur okay. Ce, comment ça va? Ça va. Number one. Qu'est-ce que vous avez joué cette semaine? Je vais commencer avec mes jeux de merde. Bien sûr! Tanuka? Qu'est-ce que j'ai joué cette semaine? Ben moi, pas grand-chose sauf à Smash. J'ai comme un gros trip de Smash depuis 2 mois. Je m'en viens pas mal plus grande qu'avant. Ben Smash TV, là. Pas Brawl. J'aime pas Brawl. C'est ça. D'accord. Jug, de ton côté? Sur je joue pas mal à Pokémon X sur 3DS. Ah ouais. Oui. Il va falloir que je commence ça moi aussi. Je l'ai acheté quand c'est sorti. Et je n'ai pas eu le temps de le déballer encore. Félicitations, c'est assez addictif. Okay. Puis aussi, j'ai joué à quelques jeux de Super Nintendo. Là. Je me prépare pour faire plein de reviews avec ça. Intéressant. Super. Antithèse de ton côté? Moi, je dis mon temps entre Project Cross Zone pour ne pas en faire une obsession. Et Super Mario 3D Land, les deux jeux sur la 3DS. Et ton côté, Joe? Moi, de mon bord, j'ai continué à jouer à State of Decay encore, à l'expansion. Sinon, j'ai continué à jouer à Binding of Isaac. J'avais laissé le jeu de côté, puis je me suis pogné l'expansion, fait que là, je sacre. Je fais juste sacré. C'est une peine in the ass, j'ai l'impression de faire rentrer bien profondément en arrière, là. Ça fait mal. Mais sinon, ouais, des petits jeux indie une fois de temps en temps, là, fait que c'est pas mal ça, là. Je te comprends tellement. C'est à cause de Jug que j'ai acheté ce jeu-là, puis je me fais toujours avoir. Yeah, ouais. C'est un bon jeu, là. Il est fucking très bon. Très bon. Calais ce qui est dur. Ouais. Ah. Jug ou Trust? Trust Jug. Votez pour Jug. We votez. Want you. À Québec, votez pour Jug. Premier ministre du Québec. Écoutez, ça fait juste bizarre comme. De toute façon que je le verrai pour la première fois mentir aux gens. Les 3DS pour tout le monde, je vous le promets! Oh oui! Hey, on va trouver. Déjà les 3DS, monsieur le futur maire, le président général. Hein? Et c'est avec ceux qui ont déjà des 3DS? Un deuxième? Ben oui! Lui, il a compris comment ça marche. Ouais, c'est bon. Il y a combien de 3DS chez lui, selon toi, Antithèse? Au moins 17. 10 millions, peut-être? Au moins. Il y en a un qui est pas en moins, là. Il y en a trois. Et de mon côté, c'est beaucoup de World of Warcraft. Hearthstone. Que je me suis retapé depuis que finalement le jeu est ouvert à tout le monde. Et j'ai été très très content de voir qu'on n'a pas perdu nos cartes qu'on avait accumulées dans le bêta. Fait que je suis encore content. Non, je parle pas de dedans. Non. Dedans bêta. Non. Ouais, wow. Ok, continue Ben. Sinon, c'est la route et quand je suis à job et que je prends mon 15 minutes de pause, je joue à Pokémon Y. Que Pokémon oui, c'est... Pokémon Y. C'est quoi le problème, là? Pokémon Y. C'est pas drôle, là. Quoi? Pokémon X, Y. Je sais, mais j'ai pris Y seulement, j'ai pas pris le I. Je demanderais à quelqu'un qui serait assez généreux de donner une copie de Pokémon Y à Tanuka, de nous le faire parvenir via la boîte postale. Et je me ferai un plaisir d'y donner. Yay! Et sinon, rapidement, j'ai commencé à jouer une game des Flintstones sur Super Nintendo. C'est vraiment cool. Ah ouais? Ouais. Ben, celui sorti par Taito, c'est vraiment bon. Je l'ai, je pense. Ça ressemble beaucoup à Mario World. Mais en fait, bien sincèrement, là, les deux Flintstones qui sont sur la NES sont assez bien. Sauf le jeu de film. Hein? Sauf le jeu de tir du film. Pourquoi? Je l'aime pas, lui. Je c'est quoi le nom? Je le connais pas. Flintstone the Movie. Ok. Avec John Goodman dessus, là. Ok. C'est pas bon. Moi, je le trouve pas bon. Ben ça, c'est mon avis personnel. Ça peut être différent des autres, là, mais Marie et moi, on l'a essayé puis on l'a pas aimé. OK. Non, on va en partir des nouvelles. On peut faire ça. Alors, commençons avec les nouvelles de la semaine dans le monde du jeu vidéo. Mais avant toute chose, on va dire un petit bonjour à nos fans qui sont présentement live sur YouTube. Et on parle de qui cette semaine? Bien, on a Vintendo qui jase beaucoup sur notre chat. Salut Vintendo, allez voir sa chaîne, c'est un excellent YouTuber. C'est le collectionneur par excellence du Québec. Tout à fait. On est pas mal Nintendo, du moins? Non, pas mal tout. Pas mal de points. Ah, ouais. Sweet. On dit bonjour aussi à Jouon Rétro, on dit bonjour à Philippe Saint-Jean, et on dit un beau bonjour aussi à Charouzou. Bonjour. Bonjour. Allô. Ce bonjour est une présentation de... Joe. Avec Jug. Toutes les vidéos. Avant de commencer les nouvelles, mon cher Juste un Gamer, veux-tu faire une plug avant de commencer? Non. Ok, parfait. Turn off, c'est fait virer de bord. Non. Ok, bye. On embarque des nouvelles. SimCity qui est le dernier SimCity qui est finalement offline. Offline? Après combien de temps? Ça fait quasiment un an qu'il est sorti? À peu près, même un petit peu moins, je crois. Un petit peu moins, mais il me semble que c'est sorti en avril l'année passée, là, de mon souvenir. Là. Puis finalement, la compagnie a décidé de sortir la version offline du jeu. Et parce que le monde était tellement mécontent de devoir être obligé de jouer en ligne pour jouer à ce jeu de marde-là. Excusez-moi. Ceux qui ont aimé ça. Mais c'est ça, vous allez même EA vous fait cadeau de quelques cheat codes dans la fac officielle. Donc, pour s'excuser d'avoir des problèmes avec leur serveur. Sont-tu gentils? Moi, ce que je trouve le plus drôle, c'est que ça a pris une semaine à un hacker pour faire une version offline du jeu. Et ça a pris un an à EA pour se dire comme quoi qu'ils ont réussi à faire une version offline. C'est ça. Moi, j'aimerais voir ça a l'air de quoi un comité chez EA. Oh, écoute, il faudrait qu'on fasse un jeu offline. Ok, on crée un comité là-dessus. Mais ça fait pas partie de notre marché, t'es-tu malade? La face emmerdée. Fait que tu sais, c'est comme, dans un sens, là, c'est pas, tu veux dire, ça a comme pris combien d'énergie, puis combien de personnes pour faire le jeu offline, tandis qu'un hacker a réussi à le faire une semaine. Moi, c'est ça que je trouve louche. Soit que le hacker, il est vraiment qu'eux autres. Excuse-moi, Tanka? J'ai dit mais que le hacker, ça comme ça lui a rien coûté. C'est pas fait de payer, puis l'autre, ça a dû coûter des millions à faire ça. Tout à fait. Comme vous le savez, ben l'hôtel des ventes sur Diablo 3 est en train de fermer ses portes. A fermé ses portes aujourd'hui. Ça va redevenir un jeu correct. Et moi, oui. Contre ça dès le début, là, ça scrappe littéralement le jeu. Mais je pense que la tentative que Blizzard avait essayé de faire avec ce cet hôtel de vente-là, c'était essayer de limiter les ventes sur eBay. Ben, mais... peu importe la tentative, là, ça a quand même scrappé le jeu. Fait que... Tout à fait. Fait que au moins, ils l'ont fermé aujourd'hui. Et ben, si jamais vous avez mis du stock en vente là-dessus, inquiétez-vous pas, vous allez pouvoir aller le rechercher jusqu'au 24 juin. Vous allez jusqu'au 24 juin pour aller chercher vos items qui sont à l'hôtel des ventes. Mais voilà qui est bien. Oui. Y a-tu des fans de Final Fantasy VII ici? Non. Ouais. Ouais. Pouet. Eh bien, les éditions Lumen vont sortir le 3 avril prochain. Ça, je parle ici en France, donc pas ici en ce moment au Québec. Ils vont sortir un livre qui devrait se situer après Final Fantasy VII. Puis c'est le scénariste du jeu, Kazuji Nojima, qui a écrit les 7 petites histoires qui racontent les aventures des différents héros de Final Fantasy VII. Donc, ça se situe directement après Final Fantasy VII. Donc, ça se situe pas, mettons, si je me souviens, Advent Children, c'était comme 3 ans après. Fait que vous avez comme une vraie suite officielle en livre, pour ceux que ça leur intéresse. Nice. C'est bien pour les fans, ça. Non. Ou en fait, famille officielle, c'est-tu... Est-ce que Square Enix a accepté? J'imagine qu'ils ont dû accepter parce que la page de couverture a déjà les images de Final Fantasy VII, puis sinon ça leur prendrait une licence. Donc j'imagine, vu que c'est quand même un scénariste qui l'a fait. C'est ce que je pense. Mais sinon, si on reste à Final Fantasy VII, juste rapidement, une petite nouvelle. Oui. J'ai découvert en fin de semaine une anecdote assez drôle. Il y a un site de pizzeria à Montréal, Pizza 2 pour 1, qui utilise une toune de Final Fantasy VII en background. Oui, oui, c'est vrai, t'avais marqué. J'ai fait une nouvelle là-dessus sur mon site. Puis, si tu vas sur le site de Pizza 2 pour 1, en background, tu vas entendre la toune Under the Rotting Pizza. en background. Puis, ouais, c'est l'anecdote de la semaine. Ça fait pitié. Très drôle. Non, c'est drôle. C'est assez drôle. Là. Le webmaster qui a fait ça, il avait un sens de l'humour. Là. Ben ouais, c'est clair. Parce que c'est évident que le responsable de la pizzeria, c'est absolument pas c'est quoi, là. Moi, je suis sûr que ça va faire de toujours deux pizzas, de la meilleure pizza, là, dans ce cas. Deux clowns pour le prix. On est en train de parler d'eux dans le podcast, fait que ça fait une différence. C'est la merde. Bon, ouais, la publicité à cause de mon mot de pizza. La pizza est pas bonne, mais... On parle de pizza. Effectivement. 4 tranches de pepperoni et 4 morceaux de fromage. Peut-être à Québec, à Montréal, là, c'est bien chanceux, là. T'es... Non, whatever. C'est pas le sujet de podcast. D'accord. Autre nouvelle. Vous savez que ça va toucher plus principalement nos fans de Castlevania. Le producteur de la série de Castlevania, Koji Igarashi. Igarashi, oui. A quitté l'éditeur afin de partir son propre studio. Ouais. Oui. Il va se planter. Comme Monsieur Megaman. Non, mais Megaman, c'est sûr qu'il était pas pour. Lui, il se plante pas, mais IGA, déjà en partant, il. Est-ce que pas là-bas? Ben, il est planté dans son dernier jeu, malheureusement. Il est le fun. Oh, mais... Ah, ok, mais c'est pas grave, là. Ben, le dernier qu'il a fait, c'était Armory of Despair. Ouais. Qui était. Comme si comme ça. Ben, qu'il se soit planté ou non, c'est quand même lui le créateur, là, tu sais, veux dire... Il non, pas créé pour les Castlevania. Ah, c'est pas le créateur? Mais non, c'est pas le créateur de Castlevania. C'est le... Il a participé au scénario de Symphony of the Night. Okay. Et ce temps-là, il a capoté sur le concept de Metroidvania. Okay. OK, excusez-moi, j'avais mal interprété le tout. Il y a beaucoup de monde qui l'associe à ça, mais c'est pas ça pendant tout. Ouais, ben, l'association est rapidement faite, disons. Parce qu'il y a le fait qu'il est devenu de fan à quasiment fan obsédé, que c'est genre... c'est la minutie même avec ce gars-là, ce qui concerne l'historique de Castlevania, genre... Castlevania Legends 2, ça s'est jamais passé parce que la protagoniste c'est Sonia Belmont, une femme. Oh mon dieu, le crime. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça, tu sais, fait que c'est moins deux ou trois jeux qui disent ah non, ça fait pas. Tels jeux font pas partie de la contenu de Castlevania parce qu'il y a Sonia dedans, genre. Mm-hmm. Autre nouvelle. Il n'y a pas grand monde ici qui l'aime, cette franchise-là, à part moi, on dirait, là. Mais Gauntlet, il revient cet été. Gauntlet, c'était cool, en fait. Moi, j'aime. Le haut de Gauntlet était cool. Oui. Alors, il y a un remake. Mais... Excuse-moi, antithèse. Le nouveau Gauntlet, le plus récent, me laisse genre, mais... Mais le fun de Gauntlet, de toute façon, c'était de jouer plus, à plusieurs. Mm-hmm. Mais là, on va revenir avec la facture originale du jeu, donc ce sera pas comme le dernier qui est sorti sur Xbox One. Pas le One, mais je parle bien le premier Xbox. Et ben on va retrouver dans le jeu les personnages principaux, donc le guerrier, le valkyrie, le sorcier et l'elfe, avec toute leur attitude et leur attaque spéciale. Puis c'est le studio qui va s'occuper de ce jeu-là, c'est Arrowhead. C'est eux qui s'étaient occupés de Magicka. Et le jeu va sortir sous la bannière Warner Brothers. Donc, c'est cool. C'est prometteur. Avez-vous remarqué la hausse de prix de la PS4 au Canada? J'allais en parler comme une de mes nouvelles, ça, oui. Alors, c'est 50$. Oui, 50$ est rendu à 450$ canadien. Ça rend compte qu'elle m'en dépassait et qu'elle allait dans le rouge. Mais c'est pas l'ajustement à cause du dollar canadien, ça? Ça, c'est leur excuse. Ça, c'est comme le jeu, comme on en a parlé il y a deux semaines. C'est l'ajustement du dollar canadien. Alors, ils s'en sortent ça comme excuse pour. À mon avis, toutes les raisons auraient été bonnes. T'sais. Ouais. Et si ça se trouve, c'est à cause du vol qui s'est perdu de Malaysia Airlines. Là, c'est un peu n'importe quoi parce que Malaysia Airlines, ça a l'air que ça peut permettre de faire augmenter le prix du pétrole. Là. J'ai entendu ça aujourd'hui à la radio, j'étais comme... Sérieux? Ben oui, là, c'est n'importe quoi. Là. Tout contribue à augmenter le prix de tout. Fait que là, regarde, un moment donné, là... Ah. Ben, c'est sûr, là, mais tu veux dire, un dollar canadien présentement, ça vaut quand même 80 cents américains. C'est ça. Ouais. Il faut dire aussi une chose, Sony, là, ils sont pas à plein de ces temps-ci avec PlayStation 4. Il y a du monde là, qui en cherche à tonnes de bras, ils en veulent les PlayStation 4. Ben, c'est une des raisons qu'ils ont augmenté les prix. La vraie question derrière ça, c'est est-ce qu'ils peuvent se le permettre? Ils ont quand même vendu au-dessus de ce qu'on avait discuté presque maintenant. 6 millions de consoles, peut-être? 6 millions de consoles, je pense, le dernier chiffre que j'ai. C'est ça, hein? Fait que s'ils peuvent se le permettre, c'est pas une garantie qu'ils vont rentrer dans leur argent, mais pas. Parce que faut jamais oublier qu'une console, par console, ça coûte cher pour dire une seule console. Ouais, mais même là, il aurait pas dû augmenter de 50$, pas plus que 10, 5, 6$. Ben, c'est ça. Tu sais? C'est parce que ce qu'ils se sont dit, c'est « Ok, on a une petite raison de l'augmenter un petit peu, fait que tant qu'à l'augmenter, ben, on va l'augmenter assez pour qu'on se fasse une cote de plus là-dessus. » Le problème, c'est qu'eux autres même se tirent dans le pied, effectivement. C'est que là, à cette heure, les consommateurs vont peut-être porter. Ben là, pour une différence de 50$, là, j'ai un choix à faire. Xbox One ou PlayStation 4 pour une différence de 50$. Est-ce que je veux une manette ou est-ce que je veux la Kinect? Mm-hmm. Pour 50$, c'est moins pire que 100$. Je fais quoi? PS4. Ça c'est la réponse, mais tu sais, est-ce que tu te considères comme le consommateur régulier? Moyen. Ouais. Moyen, merci. Toi, t'es averti. On est tous avertis ici. Ouais. Ben, on s'entend, oui. Je pense qu'on a tout un petit background sur le monde du jeu vidéo. Ouais, parce que moi, j'ai travaillé avec les deux consoles, puis je préfère PS4, mais ça, c'est mon opinion personnelle. Là. En plus, tu as la chance d'avoir travaillé avec les deux consoles. Ouais. Ben non, c'est ça, la joie de travailler pour un studio. Ouais! Ben, yeah! Oui. Non, mais pas tant que ça, en fait, parce que tu tombes sur les consoles prototypes, puis c'est vraiment de la merde. Ah oui? Ouais, ça crash tout le temps, c'est pas stable, puis c'est de la merde. Ok. mais c'est ça, puis il faut dire une chose, je me demande, j'ai une question à vous poser, Microsoft va-t-il emboîter le pas? Ça m'étonnerait pas. Probablement, ouais. Qu'est-ce que tu faisais par emboîter le pas? Qu'est-ce? Ben, faire comme Sony, puis augmenter de 50$ leur Xbox. Ben, ils vont le faire, toutes les compagnies de jeux ont augmenté le prix des jeux de base. Ben ouais. Pourquoi ils le feraient pas? Ouais. Parce qu'ils savent que. Mais c'est rendu 45$ un jeu de 3DS. Hein? Ouais. Oui, c'est vrai. Provateur Layton, ça peut se comprendre parce que c'est quand même un gros. Arrête, peu importe le jeu, là, ça vaut pas 45$ là. C'est encore drôle. Ouais, non, je suis pas d'accord. Adventure Time, non, ça vaut pas 45$. Les jeux mobiles, déjà en partant, là, comme 3DS, ça devrait être moins cher que des jeux sur console. Ça, je suis assez d'accord avec ça. Mm-hmm. Ils sont déjà. Tout à fait, parce que c'est ils sont pas déjà, la... mais ils ont augmenté mais... pareil. Ouais. Déjà 39, je trouverais pas mal ça cher là, pour un jeu 3DS. Ben, j'avoue que moi, quand je regarde des Mario à 40$ sur 3DS, ça me donne pas le goût d'aller l'acheter. Il y a Yoshi's Island de 44,99$ partout. What the fuck? Mm-hmm. Ben, ouais, je veux, mais Chris, ça, je paierais pas 50$. Ça se dit plus les taxes. But fuck off! C'est moi 60$. C'est pour ça que j'aime bien les jeux indie sur PC. T'en as souvent beaucoup pour ton argent. Là. C'est un fait, mais... Le... Non, mais c'est parce que les affaires comme les jeux Nintendo, tu peux pas les chercher sur Indie. Malheureusement, mais je joue pas à des jeux Nintendo, fait. Ben, c'est ça. J'ai une 3DS. En Indie, mon jog. Hein? Convertis-toi en Indie, mon jog. Non, mais je le fais déjà, ça, mais ça m'empêche pas d'aimer les jeux Nintendo. Non, bon, je mets la 3DS, puis j'aime même mon Pokémon qui m'a coûté full price. C'est ça, t'es comme moi, dans le jeu que j'ai acheté, j'ai été me chercher le Mario, le 3D Land, il est excellent, j'ai payé full price, mais je suis content d'avoir payé le full price, mais il faut que ça vaille la peine. Ouais. Il est facile par exemple, ça, c'est la seule mini lacune. Ouais, mais c'est parce que moi je vais chercher. Moi je suis du genre à prendre mon temps puis vraiment aller chercher toutes les étoiles possibles. Là. Le pire, c'est que moi aussi, puis je suis en même pas une journée, j'ai fait niveau 4, mais j'ai pas trouvé toutes les étoiles. Mais bonne majorité. Je savais pas que t'avais acheté une Wii U. Antithèse? Non, c'est pas là la Wii U. Moi, ma Wii U, c'est cet été. Ah, ok. Je pense que t'as acheté une Wii. J'ai même pas la TV pour la Wii U. Ben, t'as juste besoin du fil de la Wii. Non, tu marches pas sur la TV. Mis, non, pas forcément. T'as une prise en arrière pour brancher un fil de Wii normal. C'est sérieux? Oui, c'est vrai. Moi, quand j'ai checké la Wii U de mon ami avec qui j'ai fait mon retour sur la Wii U en novembre il y a 2 ans, ben, c'est juste l'entrée. Parce qu'ils fournissent pas le fil, mais t'as la prise en arrière. Ok, il faudrait que je check plus davantage, c'est bon. Pour la Wii U, ça marche sur les cathodiques ou ça marche pas? Non, c'est sûr que ça marche pas. Ça marche, mais il faut tailler les filtres pour couleurs. C'est ça, ouais. Moi, j'ai les deux avec moi pour la Wii U. J'ai le 5 et le 5. Ah, c'est vrai ça. Il y a quelqu'un qui fait de la vaisselle pendant ce temps-là. Ouais, c'est dans mon patron. Ah, d'accord. Non, c'est ça, si la Wii U, elle joue avec les télés normales, il faut juste avoir le fil de la Wii normale, mais c'est la même prise qui est en arrière, donc vous pouvez brancher ça sur une télé normale cathodique avec les prises 3 couleurs ou 6 couleurs, puis ça fonctionne. Excellent, très intéressant comme information que c'est que tu viens de dire là, Ben. Ah, pas de trouble, je suis là pour informer le monde. C'est très intéressant ce qui sort de ta bûche. Ben, c'est bien pensé lorsque tu vas au chalet. Le chalet, t'as pas forcément une télé HD. Au moins, t'es Wii U. Si je vais au chalet, je passe pas à jouer à ma console. Quand il pleut. Ben, ça arrive. Si t'es parti 2 semaines à ton chalet, peut-être un soir que tu vas vouloir. Une fin de semaine, t'as raison, voilà. John. Non, mais tu sais très bien, Alpha, que t'amènes pas une Wii U, une Xbox ou une PS3, t'amènes un Game Boy Color. Ben, ouais, ok, bon, c'est. Ouais, mais. D'accord, là, mais. J'amènerais aussi mon Nintendo, genre. Moi, je suis pas d'accord. Regarde, moi, j'amènerais une Wii normale, puis je jouerais au bowling avec mes parents. Let's go. Non, c'est vrai. Mes parents adorent jouer au bowling, c'est la Wii. Ben. Moi, j'irais jouer dehors. Moi aussi. Ouais, mais on vient de dire, il pleut. Ouais, mais il pleut, c'est le fun, c'est la Wii. Ouais, me semble, ouais. Mais quoi? Qu'est-ce que tu fais, Tanuka, lorsqu'il pleut au chalet? Elle chante sur la pluie. Non, la question est à Tanuka, pas à toi, Antithèse. Ta gueule. Mais je fais en fait, parce que j'ai pas prévu d'apporter le console. Ah. Une question qu'on va poser à nos fans sur YouTube, tant qu'à ça. On va les faire participer un petit peu. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous allez au chalet en plein été? Moi, j'apporte des board games. Ah, c'est brillant, ça. Mais j'apporte de la bière. Aussi. Ça, c'est pas brillant, par exemple. Ouais, mais on peut mélanger la passion de Joe et la passion de Sylvain. Ben oui, moi j'ai Drake Quest. Non, je pensais plus. J'ai les 3 expansions. Ouais, mais je pensais plus, tu bois de la bière puis tu joues à Cards Against Humanity. Aussi. Ah, je l'ai déjà fait, ça c'est drôle. On faisait un jeu à boire avec le jeu. Genre, quand tu perdais, ben tu prenais une shot. C'est très drôle. Ouais. Alors, on apprend un petit peu plus de la vie de Joe ce soir. Alors, si vous voulez être son ami, apportez-y de la bière. Ouais. Ou du fort. Je préfère le fort. On va aller dans le Heroes of the Storm, le jeu créé par Blizzard. C'est le nouveau MOBA. Et ils ont sorti une liste de prix pour les héros que vous pouvez acheter. Alors, pour 3 900 $, non, excusez-moi, je vais dire 3 900 $, et my god, 3,99 $, vous pouvez avoir un Demon Hunter. Je sais, je suis fatigué, désolé. À 3,99 $, vous pouvez aller chercher un Demon Hunter, un Malfurion, Muradin ou Reynard. À 7,49 $, vous pouvez aller chercher Arthas, le Barbare, le Diablo, etc. Je sais pas c'est quoi. Falstad, Galloway, Illidan, Sergeant Armor, Tassadar, Tychus, Tyrael, Tyrande, Uther ou Zeraful. Et pour 9,99$, vous pouvez aller chercher les personnages Abatur, Kerrigan, Nova, Stitches et Witch Doctor. Pour un MOBA, je trouve... Je joue pas vraiment à des MOBA, mais est-ce que c'est le coutume que vous devez payer pour un personnage? Je sais que League of Legends, tu peux payer d'avant avec ton cash pour un personnage tout de suite. Ça, mais accélère, en force de jouer, ça accélère les choses si tu payes. Oui, mais okay. Tu peux tout avoir en jouant avec le temps. Là. Mais ça prend, vous devez investir le temps qu'il faut pour avoir les personnages que vous désirez. C'est pour ça que j'ai dû avoir gaspillé au moins un minimum de 1000$ sur le jeu depuis le début. Alors, si vous êtes une jolie demoiselle qui cherche un chum qui a bien de l'argent, je peux recommander Joe. On parle de ça en 5-6 ans facile. Pas si pire à ce moment-là, c'est en 5-6 ans. Là. Pas si pire. Et mais quand même, 1000$, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Ouais. Ouais, alors, ça commence à être... C'est pour ça que je t'en sauve rage aussi, hein, c'est parce que moi, j'ai pas joué. Ah, c'est ça. Ouais, si t'es en sauvage comme moi, regarde, je viens de rembarquer dans la war, hein. Je sais. Il a annoncé un nouveau skin pour un personnage qui va être basé sur Guren Lagann, je suis en tabarnak à cause de ça. Pauvre de toi. On fait une petite nouvelle de cinéma avant de continuer dans notre sujet? Mais vas-y donc! Tout le monde aime Star Wars? Non. Non. J'ai dit ça. T'as dit ça pour mourir? Oui. Moi, ça m'intéresse plus ou moins. L'histoire est bonne, mais c'est pas la grande. C'est un bon film d'action. C'est ça, c'est mon film d'action. OK. on a eu juste une petite nouvelle rapide pour savoir que selon un des scripteurs du film, l'histoire devrait se situer 30 ans après Return of the Jedi. Donc, OK. Ça veut dire qu'on en fond, littéralement, on skip le roman de Shadow of the Empire, ou plutôt, on devrait plutôt dire les romans de Shadow of the Empire. Ben, Shadow of the Empire, c'est entre Empire Strikes Back et Return of the Jedi. C'était pas après Return of the Jedi? Non. Si tu parce que là, j'essaie de pas rien dire pour pas non plus faire des spoilers sur les sur ce que je sais vis-à-vis les romans, parce que... Tout le monde meurt. Quoi? Non, il n'y a personne qui meurt parce que tout le monde meurt. Non, il y a des spoilers majeurs que j'ai su. Ça ne tente juste pas d'aider parce que, bon, regarde, on n'est pas là pour spoiler non plus. Là. Mais non, c'est, Shadow of the Empire, ça. Oups, on a perdu. On a perdu juste un gamer. Juste un gamer. Parce qu'on parle de Star Wars, hein. Ouais, ça y a fait une crise verticale. C'est un tricky, Jug. Oh. Est-ce qu'il sait c'est quoi un tricky? Donc j'y pose des questions. Okay. Jug! Quoi? C'est un tricky! Non, moi, un tricky? Non, j'aime bien ça, Star Trek, mais pas au point d'être tricky. D'accord. C'est bon. Ouais. Fait que ça fait le tour, mais... C'est un bon show science-fiction, c'est tout. Moi, ça fait le tour de mes nouvelles. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre côté? Non, moi, j'avais juste... J'aurais parlé de la chanteuse d'Arc Enemy qui quitte, mais on l'a fait tantôt. Ah, mais on peut le faire parce que c'était en offline. Ah oui, fait qu'on le refait. On peut le refaire parce que. Non, c'est bien parce que je sais qu'on a des amateurs de métal dans nos rangs, là. Mm-hmm. Et donc, si vous n'êtes pas encore au courant, la chanteuse de Arch Enemy, Madame Angela Gauchot, quelque chose de même. Gauchot. elle vient de quitter après 13 ans de service. Elle vient de quitter Arch Enemy. Et ça n'a pas l'air clair, mais il semble, en tout cas de l'article que j'ai lu, que c'est la chanteuse actuelle de Diagonist qui va prendre sa place. La chanteuse en question, c'est Angela White Klutz, qui est dans un band de death metal, Diagonist, qui sont canadiens d'ailleurs. Et franchement, là, elle est solide. Si vous ne connaissez pas Diagonist, allez voir ça. Là. Elle a la voix, elle a ce qu'il faut pour remplacer Angela, à mon avis. Donc, on va lui donner sa chance. Quel genre de musique que c'est le groupe que tu viens nous parler? Death metal. Extrême death metal, même, je crois, sur certains points. On rentrera pas dans les technicalités, là, mais ouais, disons okay. Death metal, de façon générale. Ok. On va aller voir le monde qui nous jase présentement sur Internet, sur YouTube. Alors, ici, j'ai Raymond Vigneault qui nous parle de la question qu'on a posée plus tôt. Il nous dit, moi, c'est Vita au chalet, et si j'ai une PS4 un jour, j'essaierai le Remote Play par Internet au chalet. Ce qui est intéressant. Guillaume nous dit, je ne sais pas, il faudrait que j'aille au chalet pour ça. C'est pas tout le monde qui a un chalet, malheureusement. Mm. C'est sûr. Et on est en train de faire Roger Vitando avec ses vidéos et sa collection. Alors, Vitando. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, Vitando. Sinon, c'est pas mal ça. C'est pas mal tranquille. C'est ce que je vois de notre côté. Fait que je pense qu'on peut embarquer dans le sujet du jour parce que, veux pas, il y a beaucoup à couvrir. Oui. Aujourd'hui, on vous parle des consoles obscures. Des consoles qu'on connaît un peu moins. Des consoles qui sont peut-être pas parues ici au Québec. Et des consoles qu'on a à peine touchées. Et il y en a énormément. Et on va commencer avec les premières consoles, mettons, troisième génération, si je me souviens bien. Donc, on parle ici de l'Atari 2600 dans la famille. Mais il y en a deux autres qui on connaît un peu moins, mais qui font partie des consoles obscures. Ici, je parlerai bien de la ColecoVision ainsi que l'Intellivision. Et je pense que Tanuka s'est préparé pour ce sujet-là. Oui, ben moi, en fait, c'est même pas la troisième génération que je vais parler. C'est les deux premières générations. Ah oh! Enfin, plus obscures, parce que c'est comme à l'époque, avant le crash du jeu vidéo, là. Mm-hmm. À l'époque, parce qu'il y avait genre une multitude de compagnies qui faisaient plein de petites consoles, genre juste pour se tailler une glace, finalement ça n'a pas marché. Là. Mm-hmm. Aujourd'hui, il y a genre quelques acteurs sur la scène des jeux, mais à cette époque-là, il y avait genre des dizaines super obscures. Je trouve que c'est vraiment pertinent. Là. Fait que je te laisse y aller. Ah, là, tout de suite? Ok, c'est bon. Oh, oui, c'est à toi, vas-y. Yay, ok, fait que. Alors... C'est la première génération, là, mais c'est ce que je vois, mais après une dizaine de compagnies, première, deuxième génération, qui ne me dit vraiment rien, là. Je sais pas si la compagnie, genre, Entech, ça vous dit quoi, là. Non. Ben, Fairchild non plus, ça me disait rien, là. Et je viens de chercher des noms, là. Ouais, ça s'appelle la Entech Adventure Vision 482. C'est vraiment très obscur. Il y a le Midway, on connaît ça. ATF, ça vous dit quoi, ça? Non plus. Non. En 79, deuxième génération. Il y a aussi la première génération, c'est à l'époque, qui avait juste des consoles dédiées. Vous savez quoi? C'est quoi une console dédiée? Une console... Dédiée. Non, ça me dit rien. Une console qui avait juste un jeu dedans, qui n'avait pas de cartouche. Ah, ok, comme les Pong, finalement. Ouais, c'est ça, ça bloque ta TV, ça part, là, ben c'est ça, il y avait vraiment juste ça, là. C'est Animex, ça fait en 78, ça ne dit absolument rien. C'est tellement inconnu que j'ai cherché sur Google, puis ça m'a comme tellement rien sorti, là. C'est ça, plus aussi à l'époque, mais c'était un petit peu... Excusez, je ne sais pas si vous écoutez. C'est à l'époque aussi, mais qu'il y avait des... y a un peu de confusion entre les consoles et les micro-ordinateurs. Moi, les micro-ordinateurs, je connais vraiment pas ça. C'est pas mal ça, là. C'est bon. Fait que là, tu nous as pas mal énuméré les premières consoles, donc la plupart, c'est toutes des Pong System, on s'entend, là. Ouais, c'est des Pong-like, carrément, là. C'est ça. Mais là, il y en a également, on va embarquer directement dans la deuxième génération. Et ceux-là, comme j'expliquais plus tôt, c'est la génération de l'Atari 2600 et de ses compétiteurs, finalement. Alors, qui ici connaît la Magnavox Odyssey? Sweet Fuck All. De nom, je connais. Ouais, j'ai déjà vu une. C'est bien de ça qu'on parle. Une console analogique, ça, je pense. Fait que non, la Magnavox Odyssey, c'était une console un peu micro-ordinateur avec une sorte de boîtier plastique gris assez laid. Ça se vendait pour 200 dollars. Avec un gun, je pense. Hein? Avec un gun, puis tu pouvais jouer sur... Non, il n'y avait pas de gun pour celui-là. Ok, c'est dans notre affaire, c'est bon. On parle de celle-là qui est sortie dans les années 70, là, ou... Ouais, c'est 78. C'était pas bien avant ça? Moi, de ce que je vois ici, c'est 78. C'est 72. Ah, 72. Ah non, ça c'est la première Odyssey. Ok. Odyssey 2. Ok. Excusez-moi, non, la Odyssey c'est 72, ouais. Pourquoi c'est l'argent T2? Non, ça, si vous voulez avoir une vidéo qui parle de la Odyssey 1, là, allez voir la vidéo du Angry Nerd. Il fait une très belle explication de c'est quoi cette console-là. Après ça, on est rentré avec l'Intellivision Mattel, avec le module pour jouer les jeux de Atari 2600. Mm-hmm. C'est drôle à l'époque, hein? Ils faisaient des périphériques pour jouer des jeux d'autres consoles. Ça dérangeait pas. Ça passerait pas en ce moment, hein? Non, ça passerait pas, mais les lois aussi ont changé, oublie pas ça. Mm-hmm. Effectivement. Faut dire aussi, il y avait sorti la boîte IntelliVoice qui faisait parler les jeux. Ah oui! Une voix robotique horrible. Non, en parler. C'était un début de voix numérisée, là. Ouais. Mais moi, j'ai eu la chance de toucher à la ColecoVision. Et la ColecoVision était spéciale à l'époque, là. Tu jouais à la ColecoVision, t'avais des gros graphiques LED. Et t'avais la manette. Oui, les graphismes. Merci. Moi, je me rappelle surtout, c'est les pochettes de plastique qui ont rentré dans la manette pour pouvoir jouer à certains jeux, pour savoir c'était quoi les contrôles. Et c'était étrange à l'époque. Moi, je n'ai vu deux dans ma vie. Puis, deux fois, c'était dans le sous-sol de chez quelqu'un, dans un sous-sol moiteux. Avec une vieille télé noir et blanc, dans un coin. C'est comme la console obscure en dessous d'un tapis. Là, c'est quoi ça? Moi, c'est surtout. Moi, j'ai un de mes oncles qui l'a. Et qui l'a gardé encore, puis j'y demande tout le temps de l'acheter, puis il veut pas. Oh boy. C'est bien. Oui. Mais je pense que je vais mettre une note, là, genre, si je suis prêt à te l'acheter un bon prix, si jamais tu veux vraiment t'en départir, parce qu'il y a beaucoup de jeux dessus en plus. Puis sa console est clean. Elle est clean en plus? Elle est très clean, il a toujours pris soin, puis elle marche encore, puis les manettes vont bien. Est-ce qu'il t'a mis dans son testament? Non, pas encore. Ah, boy. Mais de toute façon, on n'en parlera pas. Mais on va parler d'une console aussi, héros de Jug adore le plus. Jug? Jug est parti. Ah, Jug n'est pas là, excusez-moi, parce que j'étais avec ma fille. Je ne voyais pas que Jug n'était pas présentable. On voit une belle chaise vide, là, présentement. Et bon, des jeux en background, tu sais, qui rendraient jaloux n'importe qui. Bon, ben, je vais questionner la chaise de Jug. Chaise de Jug, comment ça va? Ça va bien! Mais la fameuse Vectrex. Connaissez-vous la Vectrex? Ben oui! Oui, c'est avec des vecteurs. Des beaux vecteurs. Wow! Tu veux-tu nous expliquer c'est quoi un vecteur, Tanuka? C'est une ligne. Trop d'explications. Je pense qu'il faut vous dire c'est quoi vraiment, mais c'est comme des lignes. Là. Je sais pas c'est quoi, là. Ben, à place d'avoir un... Des pixels? C'est des lignes, c'est ça. C'est ça. C'était des vecteurs, des lignes. Mm. C'était très, très différent de l'époque. J'en ai testé une il n'y a pas si longtemps, puis sincèrement, là, quand on y joue, là, les graphismes, moi, je les ai trouvés superbes. Mm-hmm. C'est spécial que ce ne soit pas des pixels, mais les lignes sont vraiment bien définies. Là. C'est dur à décrire. Il faut l'essayer pour comprendre ce que j'essaie de dire là, en ce moment. C'est vraiment, vraiment spécial. C'est des beaux graphismes bien définis. Là. Puis il n'y a pas de délai, on dirait, dans l'animation. Lorsque, par exemple, le laser, ça se tire automatique, tandis que dans, mettons, un Atari 2600, tu voyais, c'était lent arrivé. Tandis que l'action, on dirait, dans Vectrex, c'était très rapide. Ouais, c'était vraiment, finalement, là, une petite borne d'arcade de maison. Mm-hmm. Ouais. Alors, j'attends juste que Jog revienne pour qu'il puisse finalement parler de sa Vectrex. Je sais pas s'il y a une Vectrex, mais... Y a-t-il une Vectrex, lui? Non, il n'y a pas de Vectrex, je me suis mélangé ça avec Papa Cassette. Parce que, hey, sinon, on défonce chez lui en allant à Québec pour le Vectrex, là. Je pense que Papa Cassette en a un, par exemple. Faudrait que je demande. Ça, c'est possible, ça. Ça, c'est possible. Faudrait que j'y demande. Ce serait cool. Sinon, on peut parler également de... c'était aussi le temps du Game & Watch. Ah oui, les Game & Watch. Oh, Game & Watch. Ah, c'était le fun. L'ancêtre du Game Boy. C'était-tu... Moi, j'ai pas touché à une Game & Watch. Est-ce que vous avez touché à une Game & Watch? Oui. Ouais. Des clones de Game & Watch. Des clones? Ouais, des espèces de clones. Ah, moi, je me rappelle avoir gagné, quand j'étais jeune, vraiment, vraiment jeune, une montre Tetris dans une boîte de céréales. Oh my God. Ouais, ça, c'était ce que j'ai vu qui ressemblait plus à un Game & Watch. Ouais, ça, c'est les Tiger Electronics. Les fameux Tiger Electronics qui étaient des petits jeux qu'on pouvait acheter pour 10-15$ chez Distribution Consommateur. Hey, je viens de vous rappeler Distribution Consommateur, la gang. Oui. Moi, je suis pas assez vieux pour connaître ça. Quoi, ça? J'ai acheté Mortal Kombat 2 pour 80$, je me rappelle. Très bon. Distribution Consommateur, c'était comme un genre d'entrepôt, puis t'avais comme un comptoir avec certaines affaires présentées. T'en regardais dans le catalogue, puis là, tu notais genre le numéro de ce que tu voulais, du produit, puis il allait te le chercher en arrière, puis il revenait. Que chiant! Et une fois sur deux, il l'avait pas, ou il s'était mélangé. C'est ça. Mais c'était cool, les solutions consommateurs. Ouais, c'était très cool à l'époque. Surtout à Noël. Mm. Oui, c'est clair. Écoute, hey, Jug, t'as manqué un segment où est-ce que je voulais te mettre en valeur, mais je vais le refaire pour toi. Jug, tu te souviens-tu de la Vectrex? Oui, la Vectrex? Oui. Mark de Classic Game Room, il trippe sur sa Vectrex. Uh-huh. Avec raison. C'est très hot, cette machine-là. C'est vraiment cool, la Vectrex. Puis toi, t'as-tu déjà eu la chance d'y toucher? Non. Oh. C'est ça, je me suis mélangé avec ta cassette, je pense, pour la Vectrex. Non, probablement. Et je sais que lui, il y en a un. J'ai déjà vu une, mais j'ai jamais touché. OK. On embarque dans la troisième génération, la fameuse génération de la Nintendo, la NES, mm-hmm. Le fameux crash du monde du jeu vidéo. On s'entend que, on peut dire que la Master System est un petit peu méconnue. Ben, en Amérique, ouais. Oui, c'est... En effet. C'est pas tout le monde, là, les... Je suis pas nécessairement d'accord. Oups. Je pense qu'on a perdu Alpha. Plus répandu, là. Je crois qu'on a perdu tout le monde, en fait. Ben, allô, je vous entends, là. T'as comme gelé, même. Ben, tout le monde a gelé. Moi, j'avais plus personne qui bougeait. Pareil pour moi. Normalement, on peut dire que ça gelait pour tout le monde, mais différemment. Bon, on parlait de la Master System. Oui, la Master System. Est-ce qu'on peut considérer la Master System comme une console méconnue? Parce qu'on s'entend, il n'y a pas grand monde qui a joué à ça. Ben, disons, là, au Québec, là, pour les 20 ans et moins, là, j'ai l'impression que c'est une console qui est obscure. C'est pas clair que tout le monde ici au Québec connaissaient ça. Probablement que dans les personnes qui nous écoutent, c'est pas obscur parce qu'on a un auditoire quand même averti qui connaissent les jeux vidéo. Mais pas mal certain, moi, que j'accroche quelqu'un dans la rue, là, puis j'y parle à la Master System, là, il va appeler la police, puis il va dire, il y a une espèce de fou qui essaie de me convertir à Master System, je sais pas, là. le monde connaît le nom, ça. Comment? C'est une secte. Oui, oui, c'est ça, oui. On fait toute partie d'une secte, ceux qui jouent à Master System? Ouais. Ah ben, merci beaucoup, Antithèse. Merci de me rassurer. Ah, je te fais plaisir. La Master System, qui on m'a déjà, je suis sûr qu'on m'a dit, c'était une joke, là. Moi, on m'a fait à croire que quand la Master System est sortie, deux manettes, le gun, je pense, les deux jeux, 10 000 $. Non. Hein? Yeah, right. Ben non, hey, wow. Yeah, right. Tu es folle. Tu vois, il vendait à sa sortie de ça tombe bien, ça tombe bien, Alpha, parce que c'est une fille qui me dit ça. Ben, c'est une maudite folle. Qu'est-ce que je te dis, donc? Bon, c'est ça. Non, mais antithèse, à la sortie, ça coûtait 200 $ américains. C'est ça, come on, là. Pas 10 000. Non. Come on. Puis, qu'est-ce qui a causé la perte de la Master System? En gros, là, on peut dire que c'est les jeux qui n'étaient pas présents? Là, attention, là, la perte, là, ça a quand même bien fonctionné, Master System. Là, en France, là, on a probablement pas des auditeurs français en ce moment. Là. Mais en France, la Master System, ça a quand même pogné. Là. Mm-hmm. Au Brésil aussi, là, même qu'ils ont fait une console exprès pour le Brésil, qui était une Master System là, juste pour eux. Ça a vraiment pogné dans certaines parties du monde. Parce que ici, le problème, c'est que elle est sortie trop tard, le Master System. Puis ouais, il parlait déjà à Sega Genesis. Puis c'est parce que le marketing était pas orienté de la même façon, tu sais, ce qui fait que ben ici, on nous a vendu pas mal plus de Nintendo que de Master System. Ouais. On faisait quand même croire que le Master System était une console très arcade. Dans ce temps-là, en plus, les arcades, c'était... Ouais. Elle avait un beau mot Québec, alors pour arriver et dire « Vous pouvez maintenant vous jouer à vos jeux d'arcade en console, à la maison, dans le confort de votre salon! » Mais c'était quand même attirant comme pub. Il y avait une autre chose aussi, c'est que contrairement à Nintendo, Sega ne permettait pas les jeux de partie tiers à l'époque, ça c'est comme un système. Ah oui, c'est vrai, ça c'est un point très important. Je ne savais pas ça, messieurs. Mm-hmm. On s'entend qu'il y a beaucoup moins de jeux qui sont sortis sur la Master System comparé à Nintendo. Ben, ouais. Il y a des jeux ici qu'on a reçus, là. Il y a des jeux ici en Amérique qu'on a reçus. Je pense que c'est Ninja Gaiden qu'on n'a pas eu. Entre autres, je crois que c'est vrai. Il y en a plein qu'on n'a pas eu, là. Fait que non, là-dessus, oui, je l'accorde de point. Et une console également que j'en ai jamais touché de ma vie. Pourtant, j'ai vu beaucoup de l'Atari 2600, mais l'Atari 7800, j'en ai pas tant vu que ça. Non, effectivement, ça n'a pas fait long feu. Non. Alors moi, c'est la 5600 que j'ai vraiment jamais vue. 5600? La 5200, pardon. Ah, ok, je te l'ai. Oui, non. Je sais pas quelle est la version originale de 5200, là, mais... Non, j'ai vu beaucoup de 2600 à mon côté. Ah ouais, ben, c'est la... C'est la plus répandue. Ouais. Clairement. Mm-hmm. Sinon, à part ça, si on s'en va dans l'autre génération d'après, là, il commence à en avoir une couple, là. Je voulais en poser une pour la génération d'avant, fait que je sais pas si... Ouais, vas-y. On comprend pas. Alors, tu veux que j'y aille? Est-ce que vous connaissez la Action Max? No. Non. L'Action Max, c'est une console qui est sortie en 1987. Moi, j'ai eu ça... C'est un cadeau de mon père pour pendant que lui, monsieur travaillait des 30 heures par semaine, pendant que je me faisais garder par ma grand-mère, donc j'étais très jeune, là, 87, j'avais 7 ans. Qu'est-ce que la Action Max? Ben, l'Action Max, c'est une console que tu pouvais acheter, je pense, pour 100$ chez Radio Shack, que tu regardes dans ta télévision. Et tout ce que t'as, c'est un gun, mais attention, qu'est-ce qui est particulier de cette console de jeu-là, c'est que tu pouvais jouer tes jeux, c'est en fait des VHS. Des cassettes VHS. Donc, vous pouvez imaginer que tu as la console, tu as les boutons sur ta console, qui c'est pour resetter ton pointage, toute la patente. ton light gun, il boxait comme un jack. Et toi, il faut que tu sois dans l'écran de ta télévision pour accumuler des points. Ça peut, donc c'est uniquement des jeux de tir. Et si tu veux d'autres jeux, si tu veux jouer participer à d'autres expériences de ton Action Max, eh bien, tu dois te procurer d'autres cassettes VHS. Autrement dit, t'es tout le temps rendu au magasin. T'as pas fait. Donc, t'as pas vraiment fait long feu. Non, je te crois. On s'entend, tu sais. Il y en avait 7 en tout. C'était considéré comme étant un flop. Ben, je comprends. On s'entend, une VHS, c'est quand même assez gros aussi, là. Tu prends une cassette Nintendo puis une VHS, là. Ouais. C'est pas pratique, là. On s'entend, la fiabilité de la Nintendo, une cassette, est pas même meilleure qu'une VHS. Oui, la VHS, c'est du roi magnétique. Fait que si ton tape il fog, mais là tu vois toute la neige qui s'accumule, ton tape fog. Je sais pas si vous avez encore des VHS de votre côté, là, mais souvenez-vous quand votre cassette jamais dans la vidéo. Oh, c'est de la merde. Puis là, faut que tu le remontes à main, là, en craignant la roulette. Faut se craquer un peu. Ben oui. Excuse-moi, Tarika, on a eu de la misère un petit peu à t'entendre. Qu'est-ce que ça? On a eu un petit peu de la misère à t'entendre. Je sais, j'ai un micro poche. Non, mais c'est parce que je voulais juste te demander si tu pouvais répéter ce que tu nous avais dit. J'ai dit plein de choses, j'ai dit, mais ça ne fasse jamais, il fallait qu'on ouvre la vidéo pour qu'on la mette chez le réparateur. Ouais, moi je le faisais moi-même, mais c'était... C'est vraiment profond, là. Ouais. C'était très limite. Puis tu te sentais mal quand c'était tes films que tu avais loués au club vidéo. Ah, j'imagine. C'est clairement. Quand tu appelles le club vidéo pour dire, excuse-moi, le film il est pogné dans mon vidéo. Ah, mais là, si tu me le ramènes, il est déjà réservé. Hey, tu veux. Ouais. Ah, la joie du VHS. Ouais. Autre génération. Oui, il y a quelqu'un qui attendait avec impatience la TurboGrafx. Ah ben oui. Je sais qu'il y a quelques-uns d'entre nous qui a eu la chance d'y jouer lors du dernier de la dernière convention. T'en avais pensé quoi, toi, Jug? Ben, moi j'avais déjà joué avant au Radio Shack dans le temps, hein, parce qu'il y a montré comme présentation. C'est la seule fois que j'en avais vu une avant. Hein. OK. Et, ben, c'est une console de shmup principalement. Hein. Ok, donc plus de shmup, puis... d'autres choses, ouais. Puis c'est... Ça, comparé à la Super Nintendo puis à Sega Genesis, qu'est-ce que t'en penses de... Ben, c'est dur à dire, parce qu'il y a quand même des jeux qui sont très hot, mais je trouvais ça intéressant, l'affaire de la cartouche, l'espèce de SD card full big, là. Je trouvais ça intéressant, puis c'est ça. Ok. J'ai rien d'autre à dire là-dessus, je veux dire, il est bon. Une console 16 bits et elle a l'air performante, malheureusement, elle compétitionnait avec des consoles qui étaient beaucoup plus intéressantes, qui avaient beaucoup plus de choix. Là. C'était quoi, qu'est-ce que t'en pensais de la manette? Ça ressemblait à une manette de Nintendo. C'est-tu confortable? Pas tant. Non? Non, je l'ai trouvé trop mince. Ok. Oui, Retro Game Throwdown qui dit « Oui, je l'attends à la Turbo. » ça, c'est une console que j'aimerais essayer un moment donné en test. J'aimerais ça l'essayer vraiment. Là. Ça serait dans mes... Mettons, là, dans mon top là, 5 ans, là, avoir une cette console-là puis pouvoir la tester pour au moins une fois dans ma vie. Là, ça serait... Pour Graphics 16? Ouais. Je la trouve relativement chère en magasin. C'est encore 80-90$. Mais elle est rare, puis elle est en demande. Ouais. Moi, je vais t'avouer que j'ai déjà vu sur Kijiji, il y a pendant longtemps, 75$, mais avec une bonne librairie de jeux, genre une dizaine de jeux, je ne sais plus c'est lesquels. Mais quand même, à 115$ avec du jeu. Ah, oh, ça vaut à peine. C'est intéressant. C'est excellent pour les collectionneurs. Mm-hmm. Effectivement. Mais ce qui est GG, il faut que vraiment tu sois au bon moment, Au bon endroit, au bon moment, oui. Au bon endroit, au bon moment pour avoir ton deal, parce que sinon... Il t'attend pas, là. Faut que tu sois le premier à sauter dessus. Oh, oui. Yes. On a connu la CDI pour des raisons très mauvaises, ceux qui savent pas c'est quoi CDI, c'est une console créée par Philips et qui était censée être la version CD du Super Nintendo et qui, à cause d'une décision conne de Nintendo, ont laissé la chance à cette compagnie-là de faire 3 Zelda et un Mario. Ils sont mémorables sur Internet comme étant les pires jeux possibles. Quelle horreur! C'était de la merde! C'est qui l'argent? À eux seuls, détruit les franchises, mais bon, en même temps... En même temps, et heureusement, Nintendo s'est repris. Mais ils ont répudié, c'est pas considéré comme dans la saga officielle. Dans le canon. Ça, j'ai une question pour toi, testeur. Dans la vidéo de Joueur du Glanier, il dit que c'est un passage obligé pour tous les testeurs. Est-ce que tu te sens obligé de le faire, ce jeu-là? Tu veux dire de tester ce jeu-là, tu es obligé en tant que testeur? Oui, mais lui, il dit, en tant que testeur, normalement, de jeu pourri, c'est un must à faire. OK, ben écoute, ça va me prendre une CDI en premier, là. C'est pas chose faite, là. Bon, ben les accros de jeu, Tester Alpha se recherche présentement une CDI, et si vous voulez lui en faire parvenir un, il y a la boîte postale. Une qui marche en plus. Ouais, c'est ça. Ah, mais on s'entend-tu que James Rolfe a été chanceux de se recevoir des donations pour sa critique de CDI? Ouais, mais James Rolfe, là, c'est AVGN, OK? Ouais. Je suis pas AVGN. Non, c'est sûr. Toi, t'es Tester Alpha. Ben, c'est ça. Ça va. Si vous voulez faire des dons à ta sœur Alpha ou à un autre accro, il y a toujours la bonne façon des accros. Recevoir un CDI en don, frère. On en parlera plus tard. On ne le saura jamais. Ouais. Mais il n'y a pas personne ici qui a touché un CDI, par exemple. Non. Oui. Tu as déjà touché un CDI, PL? Le gars, c'est un gars qui est un petit peu... Enfin, ouais, c'est bar, j'étais au secondaire, puis mon Dieu, ça se contrôle mal. Hein? On t'entend plus. J'ai dit, mon Dieu, que ça se contrôle mal. Ah, c'est vraiment pas bon. Le fun. Mais là, c'est bizarre. Là. Mm. C'est un chiqui. C'est vraiment surtout, pas le fun. Ben, surtout que là, dans la critique du joueur du grenier, il y avait la pire manette pour jouer à Zelda, qui est une sorte de manette, un bouton, avec un joystick LED, là. C'est de ça que je parle aussi. Ouais, mais James était chanceux. Quand il a fait sa critique, lui, il avait une manette normale de jeu, là. Mon ami, dans le temps, c'était un jeu de course parce qu'il travaillait beaucoup sur les voitures. Ouais. C'était ça le jeu et c'était pas jouable. Mm. C'est pas une console jouable, là, la CDI, là. Mm-hmm. Effectivement. D'accord. Neo Geo, ça, c'est... C'est ça, c'était fortuné. Ben oui, ça, c'est clair. C'était pas une console portable. C'était-tu vraiment le fun ou... Ben, est-ce que vous connaissez les arcades de Neo Geo? C'est pas des fighters. Ouais. C'est ça, c'est Dragon, pas Dragon Quest, mais Double Dragon, excusez-moi. Ben, non, c'est eux autres, ils faisaient King of Fighters, ils faisaient Metal Slug. Ah, les SNK. Il y avait des bornes d'arcade dans le temps où on allait aux arcades où c'était des bornes de Neo Geo. Tu avais à peu près comme 6 à 10 jeux dans cette borne-là. Et tu avais un choix. Normalement, c'était des shmups où tu avais des jeux de plateforme, la plupart du temps. Et la compagnie SNK ont sorti la borne Neo Geo pour la maison. Et c'est là que vous allez trouver les plus grosses cassettes de jeux vidéo possibles. OK. Je vous fais une... Pour ceux qui me regardent en ce moment sur YouTube, vous allez pouvoir voir. Sinon, imaginez, mettez vos mains à peu près à 30 cm. C'est ça une cassette. Autant la largeur de votre main que la longueur est 30 cm. C'est trop immense. C'est énorme. C'est incroyable. Pour une cassette de jeu. Puis je sais pas combien... Je pense que tu avais un jeu dedans, là. Un seul jeu dedans, oui. Oui. Et c'était assez malade. et c'est lourd. Là. James Rolfe, il l'a utilisé dans certaines intros de Angry Video Game Nerd, où vraiment, il fait un gros « what the fuck », mais c'est vraiment ça. La cassette est grosse de même pour Neo Geo. Puis la console, elle valait très cher à sa sortie. À la sortie de la console, c'était 650$. Et ça, je parle en 90. C'est malade. C'était très cher. Fait que, là, aujourd'hui, on se plaint que PlayStation 4, 450$, c'est cher. Est-ce qu'on parle de la 3DO? Oui, 3DO. Effectivement! Sorti en 93 par Panasonic, puis on revient à la question du prix, là. Mm-hmm. La 3DO, là, à sa sortie au 700$. US, c'était 700$. Ouais. Si ça sortait aujourd'hui, là, c'était au-dessus de 1000$. Ouais. Avec l'inflation puis tout, là. Hey! Hein? Ça fait mal. C'est malade. Aïe aïe. Aïe aïe. C'est deux fois un Xbox One, ça, là. Oui, pas mal. Puis mais j'aimerais ça quand même d'avoir une 3DO aujourd'hui. J'aimerais ça essayer de voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Là. La librairie était quelconque. Paraît que quelques bons jeux dessus, sans plus. Je te dirais que moi, pour l'avoir joué, c'est l'équivalent de PlayStation 1. Mm-hmm. C'est moins fort, je pense. Hein? Non, 3DO, je pense que c'est un petit peu plus fort. Une petite coche, là, à peine. Mais c'est que la PS1? Ah ouais, puis c'est sorti en 93, Colin. Moi, de mon souvenir, là. Il était en avant de son temps, là. C'est ça. Ben non. Je regarde des graphismes qui viennent de la 3DO. C'est jamais un petit peu plus fort que la PS1. Mais je regarde en ce moment. 93, hey, c'est. Tu vois, en ce moment, je regarde pour 3DO. Il y avait quand même un CPU de 32 bits. Et ouais. La PlayStation aussi avait un CPU de 32 bits. Ben mais ouais. Non, t'as raison. La 3DO roulait plus petit. Elle roulait à 12,5 MHz, tandis que sur PlayStation, il roulait à 33 MHz. Bon. Fait que, non, t'as raison. C'est pas moi de ça, il faut aller voir la mémoire et tout, là. Il aurait pu avoir raison, là, Ben. Oui, ben c'est parce que, veux pas, j'ai eu la chance d'y jouer une fois dans ma vie, N3DO. Ouais, et j'ai joué à Rebel Assault, le premier. Ah ouais? Ouais. Comment t'as mis ton expérience, toi? Moi, je le trouvais beau à l'époque, mais écoutez, le jugement que j'ai là, il est pas bon, parce que j'avais 8 ans. Mm. J'avais 8-9 ans quand j'ai sorti. Et là, je suis rendu à proche de 30 ans et je n'ai jamais retouché un 3DO de ma vie. Mais à l'époque, j'avais des bonnes impressions. Je pensais que c'était une console qui pouvait le toffer longtemps. Mais et non. Moi, je vous avoue qu'à l'époque, là, je pensais que PlayStation, ça allait être un footboy. Un quoi? Je pensais, quand j'avais 8-9 ans, puis je voyais que PlayStation allait sortir, j'ai fait, ah, regarde, c'est une autre console qui va partir en feu, là. Il y en avait comme 4-5, puis j'attendais juste que Nintendo arrive pour les clencher de la gang. Ben, s'il fallait qu'on rencontre tout ce qu'on pensait quand on avait 8 ou 9 ans, ça donnerait tout un... Alors, de niaiserie. C'est ça. Mettons que je suis content de pas m'avoir écouté dans la vie, tu sais. Pour ça, là. Il y a d'autres consoles aussi à l'époque, l'Atari Jaguar. L'Atari Jaguar. Mon beau. Qui s'en souvient? La manette! T'es pas bonne. C'était une horreur! Moi, j'ai jamais compris le principe d'avoir un pad numérique en dessous. Ben, c'est pour un peu faire comme la... ColecoVision qui... Ben, c'est ça, j'allais dire, ça fait penser à la limite à ColecoVision, l'espèce de pad qui est en dessous, là. Ouais. Mais en plus laid, puis en moins utile. Surtout qu'on s'entend-tu, c'est des boutons numériques. Tu sais, c'est pas comme un bouton qui est facile d'accès. Des fois, un pavé numérique, là, tu sais, même sur un téléphone, là, tu pèses mal. Je trouve que ça se pèse mal. Tu sais, c'est des boutons de plastique, là, de caoutchouc, là. Dans ce cas-là, c'est du plastique rigide, les boutons normaux. Je sais pas si vous comprenez mon point, là. En tout cas. Mais pas sûr. Ben, c'est que. Tu sais, c'est des chiffres numériques sur un pad numérique, là. C'est pas comme si c'était un. un bouton facile d'accès. C'est parce que ton pad numérique est carrément comme en dessous de quand tu Oui, ça va, là. C'est clair qu'il n'y a rien d'ergonomique là-dedans, là. Non, c'est ça. Mais vraiment pas, là. Non, vraiment pas. Et... Mais lui, elle servait à quoi, ce pad-là? C'est... un bouton sur un special move ou... Je pense que ça servait pour, tu sais, comme des menus d'accès, tu sais, comme, avoir tel missile, tu pesais sur 3, mettons. Peut-être que ça aurait servi à quelque chose si la console avait pogné, là, mais j'ai pas l'impression que ça a pogné tant que ça. Ça a pas vraiment pogné. Leur slogan, eux autres, c'était « on a 64 bits ». Ben oui. C'est pas capable de l'exploiter, par exemple. Pas juste ça, le add-on de CD, on s'entend-tu que... C'est assez drôle quand même. Oui, que ça ressemble à une toilette, là. Hey, ils en ont juste vendu, dans le monde, là, des Jaguars, ils en ont juste vendu 250 000. Pas gros. On regarde comparé à PlayStation, qui en ont vendu 102 millions. Oh my god. J'ai l'impression qu'on dit que la Wii U, c'est un flop, pas vraiment. Non. C'est pas si que ça. Mais après ça, on a quand même la Saturn aussi qui a comme pas tant pogné que ça. Ça, c'est dommage. Mais une bonne raison, mais c'est dommage. Ouais. C'est dommage. La raison pour le fun, c'est quoi? Excuse-moi? Hein? Pour le fun, la raison, c'est quoi? Que ces gars pas pogné? Probablement qu'ils... Ils sont quasiment en même temps qu'une autre console. C'est vraiment ces gars ont comme sorti deux consoles puis, basées sur le CD back-à-back. Fait qu'elle a pas laissé le temps à la Saturn de vraiment comme bien imprégner le marché. Mais la Saturn est-tu arrivée comme pas mal en même temps que le PS1? La PS1 est sortie le 3 décembre 80. Excusez-moi, vous êtes, mettons japonais là. Ouais. Je vais prendre les dates japonaises parce que j'ai pas les dates américaines. J'ai dit ici. Le 8 juillet 95 pour la Saturn et pour la PlayStation est sorti le 29 septembre. La même année? 95, ouais. Ah ouais, bon, c'était directement en compétition, là. Puis on s'entend que PlayStation avait quand même le support de beaucoup de gros joueurs. Ben oui. Du monde jeux vidéo comparé à Sega qui était comme. Quasiment tout seul à fournir certains jeux et avec malheureusement. Mais mettons que Nintendo. Ben, PlayStation ont ramassé tout le monde dans ce temps-là, finalement. Là. Après ça, il y a certaines machines. Je sais qu'au Apple ont sorti une console à ce temps-là. La Pinin, je pense, ma femme de même. La Pipin. La pépine. Qui est pas de internet dessus, puis. Sauf que ça a comme tellement pas pogné, là. Non. Mais ça... 96, là. T'avais des bonnes idées, mais c'est un bel exemple de belle intention, bonnes idées, mais. Affreuse exécution. Tout à fait. On se rappelle-tu de la Nomade ici? Ah, la Nomade, ouais, c'est la console portable, on parle. Ouais, console portable de Sega. Il n'a pas tout fait longtemps non plus, Simonac. Malheureusement, non, mais l'idée est bonne de pouvoir utiliser des cassettes de Sega Genesis pour un jeu portable. Et tu pouvais brancher ta console portable dans ta télé pour jouer à Sega Genesis. Mais ça, c'est cool quand même. Ouais, c'est cool. Oui. Mais t'avais cette. Je pense que le problème, c'était le prix? Non, pas forcément. C'est parce qu'il y a des cassettes qui ne marchaient pas non plus avec, par exemple, le jeu de course, Virtua Racing, ne fonctionnait pas dessus. Tu avais certains add-ons que tu ne pouvais pas jouer avec. Une couple d'affaires qui ne fonctionnait pas avec la Nomade. La fameuse Virtua Boy. Vous vous en souvenez? À la ronde, là, les essais de jouer à ça, là. À la ronde, là. Au Megadome Nintendo? Au Megadome Nintendo, là. Et hey, Colin, j'aurais aimé ça, tester ça là-bas, moi. Ben, moi, je l'ai fait. Moi, je peux te dire que j'ai fait, puis c'est ish. Ish, hein? ouais, c'était... On mettons qu'il y a une couple de gens qui se sont scrappés les yeux avec ça. Fait que, ouais. Game.com. C'est une grosse merde. C'est quoi ça? La game.com. Oh my god. En fait, c'est pas le... C'est pas .com, c'est juste game.com. Ouais, c'est vrai. C'est juste qu'il y a un point dedans qui, on dirait que ça ressemble à game.com, mais c'est pas ça pour tout, là. Mm. La game.com, c'était une console sortie par Tiger Electronics. Pour essayer de compétir avec le Game Boy. Ouais. Sauf que les jeux sont extrêmement laids. C'est tout à fait avec moi, Ben, que si jamais il y en a qui veulent avoir des reviews de Gamecom qu'il y a sur Classic Game Room, puis qui... Oh que oui! Ils vont voir des fois les ramasse Mark tellement, les ramasse. Là! Ils les ramassent vraiment! Aïe aïe! Autre console que nous, ici, on n'a pas connue, malheureusement, mais que ça aurait été vraiment le fun de voir dans le monde, dans le, les game, une console portable, c'est la WonderSwan. Qu'est-ce que la WonderSwan? La WonderSwan, c'est le bébé de Gumpy, voyons comment il s'appelle, le créateur de Metroid. C'est lui, c'est Hashimoto, mais... Gumpy. C'est pas Gumpy Yokoi, c'est Gumpy Yokoi. C'est vraiment Gumpy Yokoi? Ah, tu tombes à la poche. Mm-hmm. C'est lui qui a créé l'original WonderSwan. Et là-dessus, t'avais des jeux de... T'avais beaucoup de RPG qui sortaient sur cette console-là. J'ai une amie qui est en train d'apprendre le japonais à l'époque. Ben, en tout cas, ça doit faire 10 ans qu'elle apprend, fait qu'elle doit être rendue pas si pire comparé à moi. Et qui joue à des RPG sur sa WonderSwan. Et elle ne lâche pas sa WonderSwan. Elle a beau avoir une PSP, une Game Boy, les 3DS, tout ça, mais elle retourne toujours sur sa WonderSwan. Elle, sa console, c'est la WonderSwan. C'est ça. Sa console, c'est pas la WonderSwan Color? Non, c'est la WonderSwan normale. Originale? Ouais. Je sais pas si elle a grillé d'une... Je sais pas si elle a grillé d'une nouvelle, là. D'une nouvelle WonderSwan, mais je sais qu'elle avait l'originale. Noir et blanc, puis elle jouait à des jeux comme Final Fantasy là-dessus, là. Fait que c'était vraiment cool. Après ça, est-ce que vous avez des idées? Je vois que Nintendo nous en laisse en maudit des noms, là. Oui, Nintendo nous en laisse. On va les nommer pour les ceux qui nous écoutent en différé. Ouais. La RCA Studio 2. La Spectrum Sinclair. Mm-hmm. La Texas Instrument, en parenthèse TI-9914A, mais ça c'est plus une calculatrice. Ouais. On t'entend. Là, il vient d'acheter une autre. La Nuon de Samsung. Ouais, elle, je l'avais dans ma liste. La quoi? La Nuon. Comment c'est écrit ça? N-U-N. Est-ce que tu veux nous en parler, Alpha? Moi, je t'avoue que je la connais pas. C'est sorti en 2000, puis ça faisait... si j'ai bien compris, ça faisait... C'était supposé essayer de faire compétition au PS2, mais écoute, ça, oublie ça, là. PS2 les ont juste clairés, là, solidement. Sinon, attends, je vois ici que... Un lecteur DVD? Les rumeurs sont arrivées concernant ça, là, la Nuon, en fin 97. Puis, c'est ça. C'est sorti début 2000. Ça coûtait 400$. Puis, en fond, c'est ça. C'était un lecteur DVD. Tu pouvais jouer à des jeux là-dessus. Mais, dans le fond, oublie ça parce que le PlayStation 2 qui était sorti dans ce temps-là, ben. Lui-même lisait les DVD, donc oublie ça, là, ça. Il n'y a pas, moi je check la liste de jeux, je regarde la liste de jeux rapidement, là, puis c'est pas des jeux que... T'sais, on s'entend, là, Doom, Next Tetris, Space Harrier, on s'entend-tu que c'est pas des... Space Invader XL! Ouais! T'as un document texte, puis... Donc on s'entend que c'est pas... c'est peut-être pas... La... Je comprends pourquoi la console n'a pas fonctionné longtemps. Eh oui. Mm. Il nous a-tu laissé d'autres noms aussi, Antithèse? Non, c'est pas mal. On est pas mal rendu à la nuance de Samsung. C'est pas mal son... On va vérifier, là. Ah, non. Laser Active de Pioneer. Laser Active de Pioneer. Oh, my God. Memorex VIX. Je savais même pas que Memorex avait sorti une console. Tu sais, je vous avoue, à part la Memorex, j'avoue des trucs comme la Laser Active de Pioneer, voyons. Excusez-moi, je bafouille. Bref. C'est toutes ces vieilles consoles-là. Ils ont eu de la pub dans les très très vieux magazines d'ordinateurs et d'informatique. Mm-hmm. Mais c'était leur seule plateforme qu'ils avaient pour vraiment comme se faire parler. Je veux dire, même à la télévision, il n'y avait pas d'émission qui parlait nécessairement de ces machines-là. Mm. Parce qu'on peut dire que dans le fond, entre 90 et 2000, il y a eu une autre espèce de boom. Et que même à ça, ils ont pas pu, aucun lieu, ils ont juste comme pas pu rien faire pour rivaliser avec Nintendo et Sony. Non. Effectivement. On va embarquer également dans la prochaine génération rapidement. Excusez-moi. Ouais, à partir de là, qu'est-ce qu'il y aurait? Parce qu'il me semble qu'on est quand même pas mal Ah, ben oui. Alpha avait trouvé Engage. Ben oui, je voulais t'en parler de ça, justement. Qui se rappelle la Engage? Ah, man, Nokia pis sa Engage de merde. My God, oui. Je peux pas dire que je m'en rappelle parce que j'ai jamais eu ça. Puis... Non, on l'a vu surtout dans les magazines, sur les sites internet de gaming. Là, ils parlaient que genre, ça allait révolutionner le gaming portable, puis que personne ne voudrait avoir un Game Boy Advance. Puis finalement. Hey, tu veux essayer un Engage? Non. J'ai déjà essayé ça, moi. Ça a été un flop monumental. Oui. C'était mal pensé. Le clavier, là, c'était. Tu sais, oui, le modèle, c'était étrange de porter ça pour jaser, là, mais moi, d'y jouer, là, c'était de la merde. Sûrement. Puis les graphismes là, du jeu, là, c'était. Ça ressent. Écoute, là, t'avais une Game Boy Advance à côté, puis je trouvais que la Game Boy Advance était plus belle. Mais là, on parle d'un jeu vidéo slash téléphone. C'est ça. Quand tu peux passer à côté de tout ça! C'est de la merde, c'est de savoir. Ouais, mais... Sais-tu combien qu'il vendait? Très cher. 300. C'est ça. Mm-hmm. 300 pour ça, puis... Aucune garantie que ça allait vraiment toffer? Yeah, right. Regarde, dans le temps, là, j'ai acheté mon téléphone cellulaire, j'avais payé 100$. C'était un téléphone... Est-ce que tu devais payer 300$ pour en plus jouer à des jeux qui, en plus, ne t'attiraient pas? Ben, c'est sûr que ça ne me tentait pas. Et voilà. Encore mon vieux cellulaire, et ça, en plus, tu sais. Ça n'a pas toffé longtemps, l'Engage a été discontinué en 2006. Fait que tu sais, elle sortait en 2004. Ah non, ça n'a pas fait ton feu, là. Non. La Zodiac, ça, je la connais pas, mais ça a l'air que c'est Palm qui ont sorti ça. La Zodiac. Moi, ça ne me dit rien pas en tout. Moi non plus. Je suis entendu. Alors, malheureusement, on ne pourra pas vous parler de la Zodiac. Non. Même Jog ne connaît pas la Zodiac. Non, je connais pas la Zodiac. Ben là... C'est triste! Malheureusement. Récemment... Oui, il y a une couple de consoles qui sont sorties, mais qu'on n'a pas eu ici. Je vous dirais que à partir des années récentes, il y a eu beaucoup de compagnies qui ont décidé de sortir des jeux et des consoles exclusivement à l'extérieur des États-Unis. Et j'en ai quelques-uns rapidement ici. Par exemple, la Zibo, qui est une console sud-américaine, vendue seulement au Mexique et au Brésil. Ici, on a également la Vie. Ça, je l'ai vu, la Vie. Ils en vendent des fois dans les magasins. C'est une console clone de la Wii. Ah oui, hein. Une marde. C'est une espèce de console d'ordinateur, c'est que t'as 60 jeux d'intégrés, mais t'as des manettes de clones de Wii, mais t'as également une raquette, un, C'est de la marque. Un bâton pour. Pas un bâton, mais un volant pour jouer à un jeu, des jeux de course. Il vend ça à 80$ encore une fois chez La Source. C'est ça, c'est cher et ça vaut rien, là. C'est ça, tu sais. Ça vaut fucking rien. Sinon, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas grand chose de notre côté. On a eu beaucoup, beaucoup de sorties de consoles récemment. Mettons, par exemple, la Ouya. La Ouya qui est une console qui permet de pouvoir télécharger des jeux directement à l'intérieur via l'Internet. Qui fait pas long feu, je vous dirais, de ce que j'entends. Le monde ne traite pas tant que ça. Ça peut être un feu de paille. Ce n'était qu'un feu de paille, oui, effectivement. Mais là, la Ouya 2 est supposée être sortie. J'ai pas eu vraiment de nouvelles, je dois vous avouer. Ouais, disponible 130$. Puis, c'est ça, là. Ça gigue de mémoire, blablabla. Ah, merci Nintendo de nous rappeler R-Zone de Tiger. Ouais. La fameuse R-Zone qui est une pâle copie de la Virtual Boy. Tu sais, la console qui a vraiment bien fonctionné, là. Parce que... Tout rouge, là. Visuel en rouge, c'est cool. Ben oui. Ouais. Tu sais, t'as scrappé les yeux, c'est cool. Ça te fait rappeler que le rouge, c'est 3D. Ça, c'est vraiment le plus bel exemple de « Oh, Nintendo fait quelque chose, faudrait faire de quoi comme eux pour être aussi hot que eux, mais clairement, ça a été un flop, fait que tout le monde a floppé en même temps, tu sais. Ok. Quoi? Non, c'est parce que Marie vient me dire que Dolorabouf est en train de faire un live en ce moment, mais bon, c'est pas rien. Ok. Il fait un live de test de crab dinner? Je sais pas, il fait un test de quoi, mais. Je sais pas, je suis en train de checker, c'est 52 secondes. Ah, ok, il vient juste de commencer, c'est pour ça. Ben. Rapidement, j'ai une dernière console. Après ça, si vous en avez d'autres, vous pouvez y aller. Mais vous savez que Nintendo a également sorti une console obscure récemment? Récemment? Oh, ouais, récemment. Oui. Vous pouvez pas la Wii U, quoi, ben, là? Non, mais excusez-moi, sorti en 2003. Mais c'est la IC. Ah, mais ça, c'est le produit chinois parce qu'ils n'ont pas le choix à cause des lois là-bas ou je sais pas quoi. Oui, c'est une console qui a la... Je sais pas comment décrire la manette, elle est étrange. Elle est vraiment fucking bizarre. C'est comme un mix de la 64 d'un bord puis de la GameCube de l'autre bord. C'est pas choix, je pense, de faire affaire avec une compagnie chinoise là-bas pour sortir leur console. Puis là, c'est devenu le IQ Player, puis plein d'affaires. Là. C'est compliqué, là. Excuse-moi, Tanuka? C'est super compliqué, c'est comme des histoires de droits en Chine, en fait, c'est compliqué. Ouais. Mais les jeux sont déposés directement sur une carte flash de 64 MB qui vous insérez directement dans la manette. Fait que c'est comme, vous n'avez pas de console, c'est juste la manette qui joue en tant que console. Puis, en plus, il faut que tu passes par un magasin spécialisé qui a le jeu pour télécharger le jeu sur ta carte. Donc, tu peux pas, mettons, télécharger un jeu directement sur la console. Faut que tu ailles en magasin, aller faire télécharger ton jeu dans ta carte, puis l'insérer dans ta manette. C'est assez étrange. Mais ils ont des excellents jeux dessus. La plupart des bons jeux qui étaient sur la 64 étaient là, comme Star Fox, Mario, Dr. Mario. C'est ce qui est cool. Cool. Est-ce que vous avez des jeux de votre côté? Des consoles que j'aurais oubliées? Question, mais vas-y, Alphonse, je pensais à toi qui parlait. Non, après moi y aller, j'imagine. La Ouya. Ouya, c'est quoi? À bien la présenter, la Ouya, c'est ça? Oui, la Ouya, oui, on en a parlé tantôt. Oh, ok, j'ai un blanc de mémoire, faut croire. Parce que j'avais posé comme question, est-ce que vous pensez que ça allait devenir une console obscure la prochaine année même? Parce que, ouais, ça va être une console qui va être pas mal oubliée. Surtout que c'est une console qui a pas réellement sa raison d'être parce que c'est des jeux de tablette. Non, c'est ça. Puis, tant qu'à ça, tu sais, t'as une bonne. Comment dire? T'as pas réellement une bonne. Tu sais, je veux dire, t'as juste acheté une manette pour ta tablette comme Jug fait, puis tu ben oui. as la même console, tu sais. Mm-hmm. puis t'as un port, tu sais, t'as un port mini HDMI dessus, ben tu le branches dans ta télé. La joie. La joie. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres idées? Avant d'aller voir nos fans sur YouTube, avant de les quitter. Non, pas de mon bord. Ok. Alors, on va regarder ça rapidement. Qu'est-ce que le monde nous dit sur Internet? Est-ce que Cédric Fisher dit, c'est intéressant, il dit que c'est fréquent par rapport à en Chine, là, en Chine, toute la patente, puis comment que les jeux vidéo marchent en Chine. C'est un bon exemple. La PS2 est même encore commercialisée en Chine. C'est un marché très fermé, même si cela tend à s'ouvrir. Ben, c'est plus, pour un peu comme soutenir son argument, c'est plus Hong Kong. À Hong Kong, c'est que c'est ouvert. Parce que la Chine, on s'entend que vu que c'est en province et tout le pataclan, ben... C'est conséquemment également moins ouvert. Fait que oui, Hong Kong, c'est une ville très puissante, mais c'est naturellement pas la c'est pas ça c'est pas ça qui recouvre la Chine au complet non plus. Effectivement. Pour la Chine, malheureusement, faut faire un peu la différence entre Hong Kong et le reste de la Chine. Sinon rapidement, ce que le monde jase beaucoup de consoles qu'on a oublié durant le show, veut pas, essaie de finir... Écoute, il y en aurait tellement, là, chaque pays a une panoplie de consoles obscures juste pour eux, fait que on pourrait pas toutes les citer, là, ça serait impensable. Mais on a quand même cité une bonne game ce soir. Ouais. Fait que, non, ça se termine à peu près, parce que vous nous laissez beaucoup de suggestions. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission ce soir, les fans. Merci beaucoup. Leur participation au podcast, c'est vraiment le fun que vous jasez avec nous autres de jeux vidéo, puis on vous en remercie énormément. Alors, Tanuka, comment on peut te contacter sur les internets? Moi, ben, pas mal sur Facebook ainsi que sur le forum des accros. Génial. Joe, de ton côté? Vous pouvez me contacter via ma page Facebook à l'Entre du Geek. Sinon, vous pouvez y aller via le forum des accros des jeux. J'y vais tous les jours, donc vous pouvez me laisser un message. Mon nom sur le forum, c'est John Vorpal. Pierre-Luc, comment on peut te contacter sur Internet? On peut me contacter par antythes@gmail.com ou yahoo.ca. Juste après, me monter une page pour me joindre comme faire un peu comme tout le monde et avoir une page Facebook au nom de Anti Segment. Sur YouTube, tapez Anti Segment et vous allez vous trouver ma chaîne. Mais la meilleure façon pour me rejoindre ainsi que les accros demeure pour le forum des accros sur accrodesjeux.com. Juste un gamer, comment on peut te contacter sur Internet? On peut me rejoindre en m'envoyant un message par ma chaîne YouTube, Juste un gamer. Et puis sur Facebook, la même chose. Et sinon, ben, si vous ne pas faites vos tours chez Jeux Rétro Revo le samedi entre midi et 2h, je suis souvent là. Fait que si vous voulez me dire bonjour, je vais être là. Puis, ma façon favorite, c'est le site desaccrodesjeux.com. Dans le forum, on peut discuter de sujets super intéressants. Tester Alpha de ton côté? Je suis un petit peu partout. Si vous voulez communiquer avec moi, soit sur Twitter, soit sur Facebook, soit sur YouTube, je suis un petit peu partout. Vous n'avez qu'à taper Tester Alpha et vous allez certainement me trouver. Mais la meilleure des façons pour me parler demeure le forum des accros des jeux. De mon côté, il y a beaucoup, beaucoup de façons de pouvoir me contacter. Vous pouvez tout d'abord me contacter via le courriel des accros des jeux, vous pouvez me contacter via le Facebook des accros des jeux, facebook.com/accros des jeux. Vous avez également le Twitter des accros des jeux, @accros des jeux. Il y a également le forum des accros des jeux que je passe mon tour quotidiennement tous les jours pour essayer de répondre à tout le monde qui vient nous genre faire une petite jasette. Il y a également courriel des accros des jeux, donc je vais vous lire un courriel que je reçois nommément, normalement, alors... Le courriel de Big Ben. Du. Alors, je viens de recevoir un courriel de M. Andy Sunnywin qui me dit « Please refer our new product, Football Power Bank. Thanks a lot. » OK. Ben, je ne sais pas qu'est-ce que tu me promotes. En tout cas, okay. Il me donne en plus un numéro de ICQ. Eh hey boy, on ça utilise tout ça en gros, hein? T'es sûr ICQ. Sur ton email, sur ton email, il date pas de 1998? C'est ça. Parce que oui, 1998 a déjà existé, les enfants. Oh my god. Hey, vous vous souvenez-vous, lorsque vous tapez dans ICQ un message, puis que vous vous faites quand? Oh fuck, j'aurais pas dû écrire ça. Là, genre, la personne, qu'est-ce que t'es en train d'écrire? Parce que la personne, elle voyait ce que tu tapais live. Désolé. Mmh. Et ce ICQ a probablement coupé bien des couples. Alors, et également, si vous voulez me contacter, vous pouvez également me contacter via la page Facebook personnelle de Accro des Jeux, donc comme une personne accro des jeux. Et vous avez également sinon le Facebook et le site internet des Accro des Jeux et la boîte postale des Accro des Jeux également. Vous pouvez nous envoyer un message, vous pouvez nous envoyer une lettre, vous pouvez envoyer un DVD, quoi que ce soit. Moi, je vais vous donner l'adresse de la boîte postale des Accro des Jeux, c'est Accro de jeu, casier postal 314, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B8. Merci beaucoup d'avoir été présent. La semaine prochaine, le sujet n'est pas encore décidé. Donc, ça, c'est une surprise. Ça arrive de temps en temps. On avait un sujet, mais je vais probablement en repasser un autre. Regardez au courant de la semaine sur le Facebook des Accros. Je vais probablement vous laisser un petit message et vous dire c'est quoi le sujet de podcast de la semaine prochaine. Alors, c'était le Big Ben. Antithèse. Juste un gamer. Testeur Alpha. Tanuka. Joe. Pour le podcast des Accros, merci beaucoup d'avoir été présent et à mardi prochain. Bye bye. Salut. Bye bye.